Chapitre 22. Retour à la lumière. Conclusion. Le sol du tunnel où les voyageurs s'engagèrent était, comme le leur avait dit Chariclès, recouvert d'un sable doré, fin et aussi doux que le velours sous les pieds. Les parois relativement élevées étaient tapissées de pariétaires que volontiers Hélène se fût attardée à admirer. Mais Patrice et René, vaguement inquiets tant qu'on ne serait pas sorti du gouffre, ne permettaient pas qu'on perdît une minute. Selon les instructions du vieillard, on avait, avant d'entrer dans le tunnel, fait jouer la lumière électrique qui éclairait brillamment le souterrain à perte de vue. La route s'accomplit tout d'abord en silence. Chacun demeurait sous l'influence des scènes funèbres qui venaient de se dérouler. L'image imposante du vieillard couché pour l'éternité sur son lit de pourpre solitaire restait imprimée dans leurs yeux et semblait encore les accompagner. Atlantis marchait, muette, de son pas léger de jeune déesse, son front charmant voilé d'un nuage de tristesse. Ses grands yeux profonds, ne regardant rien autour d'elle, semblaient fixés sur une vision intérieure. Sans doute se ranimaient dans l'esprit de la jeune grecque les jours de sa vie passée, à jamais close. Elle revoyait ce père, dont l'austère tendresse avait veillé sur ses pas et qu'elle venait de quitter à jamais. Au seuil de cette vie nouvelle et si étrange, la pauvre recluse se recueillait et disait un adieu éternel à tout ce qu'elle avait connu et aimé jusque-là. Son cœur innocent formait le vœu ardent de gagner l'affection de sa nouvelle famille, de devenir en réalité la sœur d'Hélène et la fille de Madame Caudal. Hélène, respectant sa douleur silencieuse, marchait à côté d'elle. Les bras enlacés, les deux jeunes filles se comprenaient sans qu'un mot fût prononcé et, lorsque les larmes, lentement amassées sous les paupières d'Atlantis, débordaient et obscurcissaient sa vue, Hélène, par une tendre pression du bras, lui faisait sentir que, si elle avait perdu un père, elle avait trouvé une sœur. Atlantis, alors, tournait vers elle son pur regard aimant, et chaque instant de communication muette rendait plus vive l'affection que, par le privilège heureux de leur âge, elles avaient conçu à première vue l'une pour l'autre. Madame Caudal les suivait, entre Patrice et René, et derrière eux venait majestueusement Monte Cristo, escorté de Sacripanti. Kermadec fermait la marche, en sifflotant tout bas un vieillard breton, et en pensant qu'il en aurait long à compter à ses pays quand il se retrouverait sur le pont d'un navire. On marcha ainsi sans s'arrêter, et presque en silence, pendant 2 heures environ. Patrice jugeait qu'on avait parcouru la moitié du chemin. Ce qui confirma cette pensée, c'est que la voûte, s'élevant brusquement, forma soudain comme une sorte de rotonde, dans laquelle des quartiers de roches tapissés de mousse et rangés autour d'une table de pierre semblaient indiquer un lieu de halte. Madame Caudal, malgré son ardent désir de se retrouver au grand soleil, commençait à donner des signes de lassitude. On décida qu'on pouvait en toute conscience consacrer quelques instants au repos et qu'on se remettrait plus gaillardement en route après avoir repris des forces. En un clin d'œil, Kermadec eut étendu sur les sièges de pierre le plus moelleux de ses tapis et engagea les dames à bien vouloir s'y asseoir. Madame Caudal ne se fit pas prier pour accepter. On la vit même, chose rare, appuyer son dos fatigué contre le roc. Car Madame Caudal, élevée par une mère rigide, avait l'habitude de se tenir droite comme un i sur son siège et déplorait souvent la mollesse et le laisser-aller moderne. « Rien, pensait-elle, n'est de plus mauvais ton qu'un jeune homme ou une jeune fille se carrant dans un fauteuil. » Elle avait en horreur les meubles capitonnés, trop confortables à son avis, et elle disait souvent, en redressant sa taille mince, que si sa mère et sa grand-mère, toutes deux mortes à plus de 80 ans, avaient jusqu'à la fin gardé leur taille, c'était grâce à leur bonne habitude de tenue. À vrai dire, l'inconsciente majesté des attitudes d'Atlantis l'avait dès le premier moment prévenue en sa faveur. Et il est certain qu'une océanide qui aurait mal porté son col sur des épaules voûtées ou qui aurait reçu sa visiteuse avec trop de sans-gêne aurait eu fort peu de chance de trouver grâce à ses yeux. On n'est vraiment pas mal ici, dit Madame Caudal, ne cachant pas sa satisfaction. Mais j'avoue que je commence à sentir un certain appétit. Et même, je goûterai, je crois. Chose que je ne fais jamais pourtant, car on ne devrait sous aucun prétexte manger entre les repas. Minute, madame, cria allègrement Kermadec. Vous pensez bien que ce n'est pas le fils de mon père qui s'est embarqué sans biscuit. L'office était bien garni là-bas, et voilà, on en a profité. En disant ces mots, Kermadec se débarrassait lestement de la musette de toile passée en bandoulière sur lui et qui, prodigieusement gonflée, offrait des bosses hétéroclites de tous côtés. Il en tira l'une après l'autre trois bouteilles de vin antique. L'un couleur de miel, l'autre couleur de rose, le dernier couleur d'encre. Des petits pains dorés d'une forme étrange, des confitures sèches, des fruits embaumés et plusieurs tablettes d'une substance inconnue ressemblant au cacao et que les Atlantides, paraît-il, avaient découverte longtemps avant les Espagnols. « Ma foi, fit le brave garçon, j'ai pris le meilleur que j'ai trouvé. »« Et le meilleur est excellent, dit Madame Caudal en savourant un fruit exquis ressemblant à la pêche. Vraiment, on accepterait volontiers d'être végétarien si on avait toujours à manger des choses comme celle-ci. Ma foi, madame, sauf votre respect, j'aimerais mieux un simple beefsteak, dit Kermadec. Mais ceci se laisse manger tout de même. Allons, allons, tu préfères ça à l'endobage, dit René, connaissant l'horreur qu'inspire aux matelots de la flotte le bœuf de conserve qui forme le fond de leur menu quotidien. L'endobage, pouah, n'en faut pas, cria Kermadec avec dégoût. Ah bien oui, je préfère ceci. Et pour appuyer son dire, il engouffra un petit pain tout entier, abondamment recouvert de plusieurs couches de confiture. Pressé par Hélène, Atlantis, quoique d'habitude elle ne bût que de l'eau, trempa ses lèvres dans un gobelet de vin et égrena délicatement un magnifique raisin aux énormes grains veloutés d'un noir bleu. Mais sobre comme un petit oiseau, elle eut vite fini sa collation. Hélène aussi eut bientôt fait et, la voyant inoccupée, Patrice se leva et, se dirigeant vers le fond de la rotonde, « Hélène, dit ce madré docteur, venez donc voir cette curieuse plante. » Hélène s'approcha docilement. Madame Caudal et René s'occupaient d'Atlantis qu'ils cherchaient à distraire de ses douloureuses impressions. Monte Cristo, Sacripantier et Kermadec faisaient un sort, selon l'expression du matelot, aux trois bouteilles qui se vidaient rapidement. Personne ne prenait garde à eux. « Voilà donc René fiancé, commença Patrice dès qu'ils furent éloignés, qu'il est heureux. « Vous êtes jaloux ?» fit Mademoiselle Rieux non sans malice. « Pauvre Étienne, est-ce que vous aviez déjà des vues sur Atlantis comme notre cher prince ?»« Sur Atlantis, le croyez-vous, Hélène ?»« Est-ce que je sais, moi ?» fit la jeune fille en riant pour dissimuler une pointe d'embarras. Ces plantes sont en effet bien curieuses. Ne pourrions-nous pas en emporter quelques échantillons là-haut ? Peu importe les plantes, Hélène, dit Patrice en lui prenant soudain les deux mains et en les serrant dans les siennes. Ce n'est pas pour cela que je vous ai appelé ici. Eh, grand Dieu, pourquoi donc ? Pour vous adresser une question d'où dépendra le bonheur de toute ma vie, à savoir s'il me vaut mieux de rester enseveli ici que de remonter à l'air des vivants, si je dois y végéter sans vous. Pour vous demander, Hélène, si vous me portez assez d'affection pour devenir ma femme. » Hélène leva sur son ami son pur regard, sérieux maintenant et embelli par cette expression loyale et grave. « Oui, Patrice, répondit-elle simplement, je serai votre femme quand vous voudrez. » Et comme Patrice, vivement ému, les yeux humides, pressait de ses lèvres les deux mains de la jeune fille, « Je ne vous ferai qu'un reproche, » continua-t-elle en souriant, « c'est d'avoir attendu Chariclès pour me parler. Oh, que c'est mal, que c'est mal! Croyez-vous vraiment que j'eusse besoin de sa collection de monnaies antiques afin de vous accepter avec joie ?»« Vous, certes non !» s'écria le jeune docteur très ému. « Pourtant, jamais je ne me serais décidé, Hélène, si ce cher vieillard n'avait aplani l'obstacle. Pardonnez-moi, mais avant d'avoir au moins l'aisance, je n'aurais pu me résoudre à me présenter. » Savez-vous que ce n'est pas flatteur, cela ? Dit la maligne jeune fille. Je suis donc bien laide ou bien désagréable, qu'il faille supposer que c'est ma misérable fortune qui m'attire les hommages ? Méchante ! Ah, si j'avais pu vous ruiner tout d'un coup, vous réduire à la mendicité, faire de vous une chère petite mendiante. Merci, quels souhaits affectueux ! S'écria Hélène en riant de tout son cœur. Alors, si vous aviez été riche et moi pauvre, vous ne m'auriez pas méprisée. Ne dites pas un mot pareil, même en riant. Pourquoi donc alors me supposer des sentiments plus vils que les vôtres ? S'écria Hélène triomphante. Non, non, il faut que je vous gronde. Il y a trop longtemps aussi que je ronge mon frein en silence. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai failli vous le dire, je voyais bien que je ne vous étais pas absolument odieuse, et à cause de ce maudit argent, il fallait vous voir me fuir. C'est exact, me fuir. Non, les conventions mondaines sont parfois par trop stupides. Écoutez, Hélène, interrompit vivement Patrice. Pas si stupide, après tout, que moi, un homme dans la force de l'âge, 100 fois mieux armé, 100 fois plus instruit que vous, pauvre petite fille. Encore merci, monsieur, reprit Hélène, rieuse, en esquissant une petite révérence. Oui, je m'entends, et vous m'entendez aussi, que moi, dis-je, j'acceptasse une place d'invité dans votre maison, car il n'y a pas à dire, vous n'auriez pas pu vivre dans l'abondance, et moi dans la pauvreté, n'est-ce pas ? Eh bien non, ce n'était pas admissible, et vous ne l'auriez pas admis plus que moi. Il est certain que je vous approuve entièrement tel que vous êtes, confessa Hélène avec un regard très doux. Mais enfin, vous m'avez fait enrager très souvent. On entendit tout à coup s'élever la voix de Madame Caudal. Bon Dieu, Renée, où est donc ta cousine ? Disait-elle. Pas bien loin, mère. Patrice prend soin d'elle, répondit Renée d'un air ingénu. Au fait, s'écria Patrice, j'ai agi fort inconsidérément. Allons de ce pas prier votre chère tante de m'accepter pour neveu. Et il prit la main d'Hélène qu'il passa fièrement sous son bras. Croyez-vous, continua-t-il à demi-voix, que sans Chariclès je me fusse offert d'un cœur aussi léger ? Je sais qu'à votre avis ces choses n'ont aucune importance, mais quand ce ne serait que pour cette bonne et excellente femme, j'ai le cœur plein d'actions de grâce à l'intention de ce brave patriarche, d'actions de grâce qui ne finiront jamais. Rien qu'à voir Hélène s'avancer au bras de Patrice, à lire l'expression de leur physionomie, Madame Caudal comprit de quoi il s'agissait. Et, en somme, puisqu'il avait fallu renoncer au rêve caressé si longtemps d'unir son fils à sa fille adoptive, quel meilleur mari souhaiter à Hélène, surtout pourvu comme Patrice l'était désormais ? En quelques mots rapides, tout fut convenu, et c'est de la meilleure grâce du monde, et en étouffant le plus petit de tous les soupirs, que Madame Caudal embrassa les fiancés. Cependant, tandis que ces intéressantes affaires se réglaient entre eux, une sorte de dispute s'élevait entre les 3 buveurs, le noble prince, Sacripanti et Kermadec. Le vin aidant, le prince avait senti se dissiper ses soucis matrimoniaux. Sacripanti, la terreur qui avait failli lui faire perdre la raison. Tous deux avaient émis l'idée lumineuse de revenir prendre possession des trésors accumulés dans la grotte, maintenant qu'on connaissait un chemin si commode, à quoi Kermadec, frappant violemment de son poing sur la table, avait opposé son veto le plus absolu. « En voilà un imbécile !» s'écria Monte Cristo, revenu de sa première surprise. « Qu'est-ce que cela peut te faire ? Tu n'as qu'à revenir avec nous si tu veux, ta fortune sera faite. Non, monsieur le prince, sauf votre respect, vous n'y reviendrez point, répétait Kermadec avec l'entêtement de sa race. Et pourquoi, s'il te plaît, maître sot ? Parce qu'on ne doit point y revenir sans la permission de mon officier, et qu'il ne la donnera pas. Je voudrais bien savoir quel droit il a sur la grotte. Il a le droit qu'il l'a découverte, et qu'il épouse l'héritière du vieux monsieur. Et s'il veut y revenir lui-même ? Monsieur René ne voudra point y revenir, vu que le défunt a quasiment usé son dernier souffle à dire qu'il voulait dormir tranquille dans sa grotte jusqu'au jour du jugement. Et les volontés des morts, faut pas badiner avec, mon bon monsieur, prince ou non prince. » Monte Cristo suffoquait de colère, puis, haussant les épaules d'un mouvement rageur, « Et qui m'empêchera d'y revenir, si cela me plaît ? » s'écria-t-il les yeux hors de la tête. Moi, Yvon Kermadec, de mon nom, répondit résolument le jeune matelot. Vous n'êtes point mon officier, monsieur le prince, et je ne regarderai pas à vous casser la tête plutôt que de vous laisser rentrer là-haut sans l'assentiment de monsieur René. En vain le prince et Sacripanti, estomaqués de ces prétentions inattendues, élevèrent la voix et accablèrent d'injures le breton. Il était ancré à son idée, et rien ne l'en pouvait faire démordre. La querelle menaçait de s'envenimer quand René donna l'ordre de se remettre en marche. Cela créa une diversion. On reprit le chemin de la terre. Kermadec, emboîtant le pas derrière Monte Cristo, semblait le garder à vue pour l'empêcher de mettre à exécution son dessein sacrilège. Le prince eut beau s'insurger contre cet ordre de marche, Kermadec ne voulut rien entendre, et le voyage continua au milieu du bruit étouffé de leurs discussions. Enfin, après 1 heure et demie de marche environ, on atteignit la porte de cristal. Depuis quelques minutes, on la voyait de loin au bout du chemin souterrain. Magnifiquement éclairée par la lumière électrique, elle semblait vraiment une porte féerique donnant accès à un monde nouveau. Atlantis, tout ému, s'était arrêté, joignant les mains à la vue de cette barrière étincelante qu'il avait si longtemps séparée de la liberté tant rêvée. Puis elle s'était élancée, légère comme Diane, et la première, elle avait atteint la porte de cristal. Debout, sa clé d'or à la main, son visage tourné vers ses compagnons, elle semblait, en ses blanches draperies, quelque jeune sœur de ces victoires aptères créées par le ciseau de ses grands ancêtres grecs. Lorsque tous furent arrivés auprès d'elle, la jeune fille regarda une dernière fois vers la route libératrice, joignant ses deux mains d'un geste inspiré de prêtresse. Le front pâle, les yeux profonds, elle éleva sa voix cristalline qui résonna et se perdit au loin sous la voûte. « Chariclès, Atlantide, adieu » répéta-t'elle par 3 fois. Elle attendit que l'écho de sa voix se fût perdu au loin, puis, se tournant d'un geste résolu, elle plaça la clé d'or dans la serrure, fit jouer le pêne, ouvrit la porte toute grande. Aussitôt, un bruit formidable éclata dans les entrailles de la terre, au loin, derrière les voyageurs. Un instant, ils demeurèrent interdits, ne comprenant pas. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'avec un bruit de cataracte, ils virent déboucher en mugissant sous le tunnel d'énormes vagues qui vinrent mourir à leurs pieds en les couvrant d'écume. Ils n'eurent que le temps de s'élancer hors de la grotte. La mer, semblant les y poursuivre, jaillit derrière eux, noyant à jamais la route souterraine. On comprit alors ce qu'avait fait Chariclès. Déterminé à ensevelir à jamais Atlantide avec lui, il avait mis en action un mécanisme qui fonctionnait à volonté lorsqu'on ouvrait la porte secrète. Pour toujours maintenant, il reposait en paix sur sa couche funéraire. La mer, si longtemps tenue en respect par la seule volonté humaine, avait repris son empire. Les eaux avaient détruit le berceau d'Atlantis, et les algues marines allaient recouvrir à jamais les trésors fabuleux amoncelés par les ancêtres. Sous l'impression de la catastrophe, les voyageurs étaient restés immobiles, frappés d'épouvante au seuil de la grotte, écoutant se briser contre les parois de granit les vagues furieuses. Longtemps ils restèrent ainsi. Kermadec fut le premier à se reprendre. « Tout de même, monsieur le prince, vous n'y rentrerez point » cria-t-il d'un ton de triomphe. Monte Cristo eut un haut le corps de colère à se voir bafoué par le matelot et oublia comme par miracle la terreur sacrée qui venait de passer sur lui comme un souffle du monde inconnu. Hélène, entourant de ses bras la taille d'Atlantis, qui semblait changée en statue de marbre, l'entraîna hors de la grotte et tous, marchant sur leurs pas, se trouvèrent bientôt en plein air auprès d'elle. Une petite plage de sable blanc, descendant en pente douce vers la mer, étincelait aux derniers rayons du soleil. En arrière s'élevaient les sombres rochers qui avaient caché si longtemps la porte secrète, formant en face de la mer comme le fronton d'un temple mystérieux. À droite et à gauche, les roches s'abaissaient doucement, laissant le regard se poser sur des plaines riantes. Un promontoire, s'avançant hardiment au milieu des vagues, portait des arbres centenaires dont les branches, chargées de lianes grimpantes, trempaient dans l'eau transparente. Des milliers d'oiseaux, gazouillant à pleine gorge, saluaient de leur chant vespéral le coucher du soleil. Toute cette scène respirait le calme, le bonheur et la paix. Atlantis, soutenu par Hélène et sortant enfin de sa stupeur, posa sa main au-dessus de ses yeux. Elle promena autour d'elle un long regard. « Enfin, enfin » murmura-t-elle. « Te voilà donc, soleil. Ô terre, désormais je suis ta fille. La mère traîtresse ne me reprendra plus. » Elle se laissa tomber à genoux, avec cette majesté inconsciente de toutes ses attitudes, et pressa pieusement ses lèvres sur le sol. Madame Caudal eût peut-être été choquée de cette action, mais tout était si naturel, en même temps si noble, chez la jeune grecque, qu'elle ne songea pas même à la blâmer. D'ailleurs, Kermadec vint distraire son attention. « La demoiselle étrangère a raison, » fit à part soi le brave garçon, « et nous pouvons bien la baiser, notre vieille maman la terre, car nous avons bien failli ne pas la revoir. » Et se jetant à genoux lui aussi, il ôta son bonnet et donna dévotement un grand baiser à la grève. « Allons, en marche !» ordonna enfin Patrice, secouant la rêverie qui les avait tous envahis. « Cherchons un gîte qui nous abrite jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de sortir de ce pays pour rentrer chez nous. » Les voyageurs, abandonnant les rochers, s'engagèrent alors dans les prairies qui avoisinaient la mer. Ils ne tardèrent pas à découvrir les toitures basses d'un pauvre village de pêcheurs s'élevant non loin de la grève. Patrice et René s'avancèrent en éclaireurs, puis revinrent bientôt chercher le gros de la troupe afin de la conduire dans la plus belle maison du pays que son maître avait mise à la disposition des étrangers. On peut juger de la surprise d'Atlantis en voyant pour la première fois, elle qui avait vécu jusqu'à ce jour comme une princesse des contes de fées, les merveilles de la civilisation représentées par l'humble cabane d'un pêcheur des Açores. Lorsqu'il lui fallut se servir, au lieu de l'or et de la nacre qu'elle avait toujours vu employés aux plus vils usages, de quelques rudes et primitives poteries allant à peine sur le feu. Mais dans sa joie de voir des êtres humains, des enfants, des jeunes filles, des vieillards, et même, ô joie, une vache et un gros chien de garde, elle oublia tout le reste. Les pêcheurs acceptèrent facilement le récit des voyageurs, qui leur dirent en toute vérité avoir perdu en mer leur bateau sous-marin. À leur tour, ils expliquèrent qu'un paquebot américain passerait dans une huitaine de jours. Les naufragés pourraient en profiter pour rentrer dans leur pays. Ces 8 jours s'écoulèrent bien vite. Le premier soin de Madame Caudal fut de confectionner d'une grossière serge noire du pays un costume civilisé pour Atlantis. Et vraiment, lorsqu'elle parut, souriante et un peu gênée dans ses nouveaux atours, avec sa longue jupe unie, sa veste aux manches bouffantes, sur sa tête un grand chapeau de paille tressé par Hélène, ses petits pieds chaussés des souliers du dimanche d'une jeune fille du pays, il n'y eut qu'un cri d'admiration tant elle était charmante. Madame Caudal souriait, fière de son œuvre. Quant à Hélène, elle plia en soupirant les beaux vêtements antiques de son amie. « Je les emporterai, » dit-elle, « et toujours je les garderai. Oui, elle est délicieuse là-dedans, mais enfin, ce n'est plus qu'une beauté comme une autre, tandis qu'auparavant, c'était une déesse. « Barbare !» disait allègrement Madame Caudal. « Elle est beaucoup mieux ainsi. » D'abord, elle aurait eu froid, bras et pieds nus tels qu'elle était. Et puis, la vois-tu s'embarquant dans cet attirail sur le paquebot américain? Les déesses, c'est très joli sous l'eau, mais pour ma part, j'aime mieux la voir en jeune fille comme il faut. Les voyageurs rentrèrent en France. 2 mois ne s'étaient pas écoulés qu'un double mariage fut célébré à Paris, afin d'écarter les curiosités indiscrètes de la province. Madame Caudal, tout à fait réconciliée avec le nouvel état de choses, raffolait d'Atlantis presque autant que d'Hélène. Au bout de 6 mois, la jeune grecque parlait le français aussi bien qu'une parisienne. Elle s'habillait avec un goût exquis, et le seul reproche que pouvait lui faire sa belle-mère était que sa trop grande beauté ameutait les gens dans la rue. René ne s'en plaignait pas. Chaque jour, il découvrait dans le cœur et l'esprit de sa jeune océanide des perfections nouvelles. Quant à Patrice et Hélène, leur opinion l'un sur l'autre était arrêtée depuis trop longtemps pour qu'ils eussent rien à y changer. Chacun trouvait l'autre parfait. Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le seul nuage dans ce ciel riant fut l'attitude de Monte Cristo. René l'avait très sérieusement prié de ne rien révéler de leur fantastique voyage, ne tenant pas à donner en pâture à la curiosité des badauds l'histoire de sa femme et son origine sous-océanique. Mais le prince n'entendit pas de cette oreille, bien qu'il consentît, par pure courtoisie, à ne donner aucun détail précis sur Chariclès et sur sa fille. Il n'en persista pas moins dans le projet qu'il avait, dès le premier instant conçu, de présenter à l'Académie des sciences un mémoire de sa façon. C'est ce qu'il fit après d'assez longs labeurs. Malheureusement, la faconde et l'imagination de l'auteur se mettant de la partie, il produisit un récit qui enchérissait à ce point sur des faits suffisamment extraordinaires en eux-mêmes que personne ne voulut en croire un mot. En vain le prince se démena, tempêta, prit à partie chacun de ses savants confrères, le sentiment inné qu'il avait des convenances l'empêchant d'invoquer le témoignage de ses compagnons. Il eut beau faire et beau dire, il passa et passera toujours pour un émule de Tartarin. Sacripanti, qui seul l'eût secondé dans ses assertions, mais dont le témoignage, à vrai dire, aurait eu une valeur médiocre, avait disparu d'une façon qui serait restée inexplicable si René n'avait constaté peu après l'absence d'une des plus magnifiques perles d'Atlantis. Monte Cristo, furieux, voulait poursuivre le voleur. Mais d'un commun accord, on décida de le laisser tranquille et on perdit complètement sa trace. René Caudal, à peine rentré de sa dernière croisière, adressa sa démission au ministre de la Marine, se réservant, bien entendu, de reprendre le service actif si jamais son pays avait besoin de lui. Atlantis se trouvait parfaitement heureuse au sein de sa nouvelle famille et, dans son cœur aimant, sa mère, son mari, son frère Patrice et sa sœur Hélène avaient pris, sans le faire oublier, la place laissée vide par le vieillard Auguste qu'on avait enseveli là-bas. Mais avant longtemps, René remarqua un nuage de mélancolie sur ce front charmant. Souvent, il entendit Atlantis soupirer en regardant la mer. Par moments, elle semblait atteinte d'une mystérieuse nostalgie. Prompte à s'alarmer, la tendresse de René perça facilement le secret de cette tristesse. La pauvre enfant regrettait son océan, le silence enchanté du fond des mers, les merveilles au milieu desquelles elle avait grandi. Alors, sans rien dire, René vendit quelques-unes des perles données par le vénérable Chariclès. Puis il mit tous ses soins et toute sa science à faire construire pour Atlantis, au fond du golfe Juan, une délicieuse villa sous-marine desservie par une chaloupe submersible. Quelle joie pour la jeune Océanide le jour où son mari, sous prétexte de promenade en mer, l'amena tout à coup au seuil de sa nouvelle demeure, image modeste du féerique pays natal. Du coup, Atlantis n'eut plus rien à désirer. Elle et son mari passent dans leur retraite un bon tiers de leur vie. Hélène et Patrice les accompagnent parfois en leur villégiature. Au sein de cette solitude enchantée, oublieux des humains, des petites laideurs ambiantes, servies seulement par le fidèle Kermadec qui a fini son temps dans la flotte et s'est voué pour la vie à son officier, ils mènent une existence digne d'envie. Quant à Madame Caudal, elle a refusé de jamais redescendre sous l'eau. Elle a bien trop peur, allègue-t-elle, que Monte Cristo ne tombe par hasard chez ses enfants et ne vienne de nouveau les faire prisonniers avec leurs hôtes, et pour tout de bon cette fois.